Donc les dépenses d'entretien, c'est un droit que l'enfant assure ses parents. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك